Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le conseiller principal en communication à la présidence de la République considère comme un non-événement la récusation par le CNARED de la médiation de Benjamin Mkapa depuis ses dernières déclarations à Bujumbura. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, cette plateforme de l'opposition estime que le médiateur Mkapa a nié le conflit burundais. De son côté, Willy Nyamitwe rappelle que le CNARED n'est pas reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Des plaques sur les vélos sont exigées depuis un certain temps. Ceux qui font le transport rémunéré sur les vélos se plaignent de travailler à perte à cause des dépenses que leur font faire les pouvoirs publics. Dernièrement, c'était l'achat des gilets. Et le gouverneur de la province Karoussi a ordonné la fermeture d'une école islamique du chef-lieu de la province de Karoussi pour non-respect de la loi. Dans ce journal également, dans le reportage du jour, des chenilles qui ravagent les cultures de maïs et de haricots dans la commune Boutihinda de la province Muyinga. Vous aurez le reportage de notre confrère Alain Désiré Bukeyeneza. Et dans la chronique santé ce mardi, nous parlons de l'insuffisance rénale avec le néphrologue Sylvain Pierre Nzeyimana. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Sécurité pour ouvrir ce journal. Un corps d'enfant dont l'âge serait estimé à 6 mois a été repêché flottant dans les eaux de la Murimgue ce mardi matin. Au PC1 de Nassien Manirakiza, commissaire provincial de la police à Rumonge, indique qu'on tente d'identifier l'auteur de ce crime. C'est le deuxième corps d'un enfant repêché à moins de 2 mois après celui repêché au début du mois de novembre dernier à la plage de Rumonge et dont la police recherche toujours l'auteur. Deux sexagénaires de la commune Mugina en province Tivitoke se trouvent au chef-lieu de cette commune suite au problème de sorcellerie. C'est après que des tracts aient été retrouvés dans différentes zones de la dite commune il y a 3 jours. Et plus de 80 maisons ont été emportées par la pluie mêlée de vents violents tombés dans la soirée de ce dimanche à lundi en commune Mugui de la province Tivitoke. Les familles victimes demandent de l'assistance et le conseiller socio-administratif indique que les listes sont en train d'être confectionnées pour les envoyer au ministère de la Solidarité. Certains conducteurs de taxi-vélo en mairie de Bujumbura se lamentent contre la mesure prise par la Sota Vebu de les obliger à acheter des plaques de leur vélo. Ils indiquent que dans un délai ne dépassant pas 2 mois, ils étaient obligés d'acheter des gilets et disent qu'ils travaillent à perte. Yves Monzimana. Ces conducteurs de vélo indiquent qu'ils ont mal accueilli la mesure prise par l'association d'acheter des plaques à 8000 francs, alors que dans un délai ne dépassant pas 2 mois, ils étaient obligés d'acheter des gilets à 13500 francs, comme celui-ci l'indique. Nous venons de payer 13500 francs pour les gilets. Maintenant, nous sommes obligés d'acheter des plaques à 8000 francs, 1000 francs pour les cartes et 1000 francs de recensement. Dans un délai ne dépassant pas 1 mois, nous sommes vraiment menacés. Ils nous disent que ce sont des agents de la Sota Vebu, nous ne sommes pas avisés, ils nous informent tout simplement et nous obligent d'acheter ces plaques. Cet autre conducteur indique qu'il travaille à perte puisque dans un délai ne dépassant pas 20 jours, ce dernier se trouve dans l'obligation de payer d'autres frais. Pour avoir de quoi manger, nous acceptons d'acheter ces plaques et nous travaillons à perte, même les enfants n'ont plus à manger. En plus, nous ne savons pas comment c'est organisé. On dit d'acheter et nous achetons tout simplement. Maintenant, les vélos sont comme des voitures. Nous sommes fatigués parce que chaque mois, on nous dit de payer de l'argent. Tantôt, c'est 2000 francs bout ou 10 000 francs bout. Ce conducteur de taxi vélo indique que le délai pour l'achat de ces plaques est fixé au 20 décembre cette année. Yves Ngozimana, et près de 800 millions de francs burundais ont été alloués pour l'extension des infrastructures de l'office du thé du Burundi, OTB en sigle. Et cela a été dit par le directeur général de l'OTB ce mardi à l'occasion du lancement de la semaine dédiée à la théiculture. Suivez Jacques Wigirimana qui a en outre ajouté que le thé burundais a été classé 2e au niveau mondial. Les nouveaux bâtiments qui vont servir pour bureau du personnel de l'OTB. Et le coût de cette infrastructure, tout d'abord, je tiens à vous informer que les experts qui avaient fait le devis pour la construction de ce bâtiment nous avait donné un effectif d'1,780 milliard. Alors comme c'était un gros montant, nous avons décidé de le faire en régie et c'est pourquoi alors le TB a contacté les services des marchés publics pour demander l'autorisation spéciale de le faire ici en utilisant les capacités techniques que se dote et le personnel de l'OTB. Et à cause de ces capacités même, nous venons de sauver 1 milliard de francs parce que ce nouveau bâtiment, y compris l'ancien bâtiment, les deux ont coûté légèrement moins à 800 millions. Comprenez qu'il y a un manque à gagner d'1 milliard que nous venons de récupérer. Au niveau de la feuille verte, au niveau de la qualité et même au niveau du coût sur le marché aujourd'hui, nous sommes compétitifs. Nous sommes, je crois, à la deuxième position et je pense que d'ici le mois de mars, nous risquons d'occuper la première place au niveau de la région. Et nous avions promis de commencer à mettre sur le marché un nouveau produit qui était le thé vert. Comme vous savez, l'équipement ne provient pas de notre pays et avec la conjoncture actuelle, les choses ne sont toujours pas faciles. Même les fournisseurs étrangers hésitent de fournir des équipements ici au Burundi, craignant de la sécurité. Mais aujourd'hui, je vous informe que le marché a été attribué. D'ici le mois de février, vous aurez le produit sur le marché local et international. Jacques Guilimana, c'est le directeur général de l'Office du thé du Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, le CNRD ne reconnaît plus Benjamin Mkapa comme médiateur dans le conflit burundais. C'est du moins ce qu'on peut lire dans le communiqué qu'il a sorti ce lundi. Le même communiqué précise que le médiateur a implicitement mis fin à sa mission en niant dans la conférence de presse du 9 décembre dernier la nature du conflit burundais, alors que selon le CNRD, cela fait l'objet des pourparlers inter-burundais d'Arusha. Au bureau du président de la République, on perçoit la récusation du médiateur par le CNRD comme un non-événement. Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication du président de la République, dit que le retrait du CNRD ne va rien changer dans le cours du dialogue car, dit-il, cette coalition n'est pas reconnue par la loi et n'a jamais été invitée dans le dit dialogue. On l'écoute. C'est une récusation sans effet parce que c'est une coalition qui n'est pas enregistrée au Burundi, c'est une coalition qui n'est pas connue au Burundi. Donc une coalition non reconnue par la loi, qui n'est pas partie prenante au dialogue inter-burundais, qui récuse un facilitateur, mais vous comprenez que c'est sans effet. Mais quand même, au niveau de la présidence, vous ne niez pas qu'il y a des partis qui sont dans le CNRD, qui vont dans le dialogue. Nous savons que les Burundais sont issus de diverses formations politiques. Les Burundais appartiennent soit à des organisations de la société civile ou pas. Il y a des Burundais qui sont des ouailles de diverses religions et proviennent de différentes contrées du pays ou de la diaspora. Bon, alors, si un des Burundais dit qu'il ne veut pas participer au dialogue, mais la machine continue à tourner, le train poursuit son bonhomme de chemin. Et nous pensons que, pour le cas d'espèce, c'est une coalition qui se retire alors qu'elle n'a jamais fait partie du dialogue inter-burundais. Avez-vous jamais rencontré le CNRD autour de la table de discussion, que ce soit à l'intérieur du Burundi ou à l'extérieur du Burundi? Jamais. À vous entendre au niveau de la présidence, vous dites qu'avec le CNRD ou sans le CNRD, le dialogue extérieur continue. Je dis que le CNRD n'a jamais fait partie du dialogue inter-burundais, que ce soit le dialogue à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et cette coalition n'étant pas légale, eh bien, sans elle, le train continue à marcher. C'était Willy Nyamitwe, il est conseiller principal en communication à la présidence de la République au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. 13h06 minutes à Bujumbura. Dans la suite de ce journal, les chenilles défoliantes ont attaqué les cultures de maïs dans différentes collines de la commune Rugombo en province Cibitoke. Les agriculteurs de cette commune craignent déjà la famine. À l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou en sigle, l'on promet de disponibiliser des pesticides spécifiques à ces ravageurs. Dieudonné Nahimana, directeur général de cet institut, conseille aux agriculteurs de ne pas utiliser n'importe quel type de pesticide pour éviter la résistance. Evrar Havdarimana a été à Cibitoke pour nous. Voici son reportage. Ces chenilles défoliantes qui sont dans la catégorie des ravageurs font rage dans presque toutes les collines de la commune Rugombo de la province Cibitoke. Les collines les plus touchées sont Karurama et Kagazi. Nyana Mazina Marie Golette, nous l'avons rencontrée dans son chat de maïs, explique que dans cette saison culturelle, nous ne récolterons rien. Ce sont des chenilles défoliantes qui attaquent le maïs et les empêchent de croître. Cela s'est accentué cette année parce que ces chenilles se sont éparpillées partout, donc il n'y aura pas de récolte. Nous demandons une aide de produits phytosanitaires parce qu'avec cette saison, on récoltait beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. À l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabo Ansig, l'on confirme de la présence de ces ravageurs dans cette commune. Dieudonné Nahimana tranquillise la population qu'il y a des pesticides qui tissent ces chenilles défoliantes. Effectivement, constater que ces chenilles défoliantes, des chenilles, peuvent être tuées par certains pesticides. Et on a constaté ici que les agriculteurs utilisent n'importe quel type de pesticide. On a voulu s'il n'y a pas eu de la négligence de leur part, étant donné que ces ravageurs s'est manifesté depuis le mois de février. Dieudonné Nahimana, le directeur général de l'ISABU, répond. Je ne pense pas qu'il y a eu négligence parce que depuis février, c'était pas très alarmant comme vous le constatez aujourd'hui. Et je dois vous dire que pendant la saison, on est passé ici à Chibitoki avec son excellence le ministre de l'agriculture et de l'élevage. On a visité un chat qui était très ravagé. À ce moment-là, on devrait retourner à Bujumbura et s'asseoir ensemble pour étudier ensemble les voies de sortie, pouvoir combattre ces ravagés qui ont attaqué le maïs. Le directeur général de l'ISABU conseille en outre aux agriculteurs de ne pas utiliser n'importe quel type de pesticide, étant donné qu'il y a des pesticides spécifiques pour combattre ces chenilles. Evrar Hafzariman. 91 nouveaux adeptes de l'islam et 3 enseignants qui étaient à l'école islamique du chef-lieu de la province Karoussi sont appelés à regagner leur province d'origine depuis ce mardi. Le commissaire provincial de la police indique que ces décisions viennent d'être prises par le cabinet du gouverneur après avoir constaté que cette école fonctionne sans respect de la loi. Les détails avec Blaise Pascal Kararoumiye. 91 adeptes de l'islam qui se trouvaient internés à l'école islamique du chef-lieu de la province Karoussi pour suivre les enseignements de l'islam sont appelés à vider les lits. Selon le commissaire provincial de la police, cette décision a été prise le matin de ce mardi par le cabinet du gouverneur de la province de Karoussi. Le commissaire provincial Jérôme Nivogora explique que cette décision est de fermer provisoirement ce centre islamique de Karoussi depuis ce mercredi, car, dit-il, l'école fonctionne sans respect de la loi. Il dit que c'est ainsi que le matin de ce mardi, tous les 91 musulmans ont été conduits au commissariat de police pour l'interrogatoire, là où ils ont rejoint 2 de leurs enseignants et le directeur de ce centre islamique. Ces derniers étaient arrêtés ce lundi. Cher Sadiq Kajandi, président de la communauté musulmane du Burundi, accepte que cette école islamique de Karoussi fonctionnait sans respect de la loi. Il explique qu'ils ont oublié de demander l'autorisation au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions. Il indique que sans tarder, ils vont demander auprès de ce ministère l'autorisation de continuer à travailler. Et toujours dans les nouvelles des provinces, le bureau postal vient de passer 2 semaines sans activité, ce qui rend difficile les services comme le retrait et l'épargne. Jean-Pierre Misago pour les détails. Ceux qui se lamentent le plus sont les fonctionnaires qui perçoivent leur salaire à ce bureau postal. Ils attendent en effet d'être servis depuis bientôt 2 semaines, alors que d'autres fonctionnaires ont déjà eu leur dû. Selon certains fonctionnaires interrogés, ce bureau postal devrait au minimum avoir 2 agents pour éviter qu'il ferme ses portes chaque fois que le seul agent a un problème qui l'oblige à s'absenter au travail. Pacifique Munyeshaka, chef du personnel à la Régie nationale des postes, dit que ce problème de Murago est connu. Il informe qu'on ne se précipite pas à procéder au remplacement d'un agent qui s'absente pendant une certaine période au travail. Cela demande en effet qu'on procède préalablement au décompte pour établir la situation financière selon Munyeshaka. Cependant, le problème de Murago sera définitivement réglé avec le plan de renforcement du personnel des différents bureaux postaux en cours d'analyse. C'est la 2e fois qu'une telle situation s'observe à Murago depuis avril 2016, après l'attaque armée au cours de laquelle un des 2 agents qu'avait son bureau postal a été blessé. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et le chômage fait parler de lui ces jours-ci en province Ngozi où une centaine d'hommes circulent tous les jours chaque matin au chef-lieu de la province Ngozi avec des pelles ou autres outils à la recherche du travail. Mais en vain, les habitants d'Ngozi disent qu'ils n'ont plus d'occupation à la maison, indiquant que les activités champêtres ne les gardent qu'à peine une semaine et c'est suite à l'exiguïté des terres. Apollinaire Mouzagara. Miburo est un homme d'une trentaine d'années de la colline de Makombe, en commune et province Ngozi. Depuis trois jours, il se rend chaque matin à l'endroit communément appelé la ferme au chef-lieu de la province Ngozi, avec une pelle à la main à la recherche du travail dès demain vers 11h. Il repousse chemin et cela durant ces trois jours. Miburo est l'un d'une centaine d'autres hommes qui se donnent rendez-vous tous les jours et chaque matin à cet endroit, toujours à la recherche de l'occupation. Les hommes indiquent qu'ils n'ont plus de quoi faire à la maison, précisant que la propriété foncière n'occupe qu'à peine la seule femme durant une semaine, d'où ils se rendent en ville pour chercher, selon eux, de quoi acheter un kilo de farine de manioc. Mais en effet, explique-t-il, des chantiers en construction font défaut en ces jours de pluie, ce qui aggrave cette situation. Ils éprouvent donc pour le moment d'énormes difficultés à prendre en charge leur famille. Vous saurez que certaines collines d'Ngozi enregistrent une densité de plus de 600 habitants par kilomètre carré. Pas de solution à court terme à cette situation, déplorent certains administratifs à la base. Ils invitent plutôt les habitants d'Ngozi à la limitation des naissances. D'Ngozi, Apollinaire Mouzagara, Radio Sanganyika. Merci Apollinaire Mouzagara. Parlons maintenant infrastructure. La route qui mène vers la centrale hydroélectrique de Mougéré dans la province de Bujumbura est impraticable depuis une semaine. Elle est coupée au niveau de la localité de Kigage, ce qui cause un sérieux problème au personnel de la dite centrale en provenance de la ville de Bujumbura. La population qui vit de l'extraction du moellon et du gravier dans la rivière Mougéré, elle aussi dit que la vie devient difficile car leurs produits sont inaccessibles aux camions qui transportent ce moellon et ce gravier. Kinouma Léon, chef de la centrale hydroélectrique de Mougéré, dit que le problème est connu à l'Office des routes et demande qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Et un projet de pavage est prévu pour l'avenue Rugamba du quartier Gasekebouye de la mairie de Bujumbura. Et cela a été annoncé par Antoine Rumenietso, c'est le chef de zone de Moussaga. Il ajoute qu'en attendant la mise en œuvre de ce projet, les habitants de ce quartier devraient entretenir le caniveau qui passe à côté du camp Moura en vue de protéger leur ménage. Cette avenue, par les eaux d'Irvienne, provenant des bassins versant de la commune Kanyosha, provenant aussi des eaux isées, les gens, par ignorance, jettent des immondices dans les caniveaux, ce qui bouche le passage de ces eaux. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour protéger ses habitants? Nous avons un programme demandé à l'État d'aménager les bassins versants de la commune Kanyosha. Un autre programme est de faire un pavage sur l'avenue Rugamba et également interpeller à la population en attendant que le programme de la Banque mondiale puisse avoir lieu. Les habitants devraient contribuer financièrement à l'aménagement de la canalisation. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, la reconquête des quartiers d'Alep Est en Syrie, contrôlée par les insurgés rebelles depuis 2012, est entrée dans sa phase finale. Et aux États-Unis d'Amérique, le Congrès à majorité républicain ouvre une enquête sur les interférences russes dans les élections américaines. Et en Gambie, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté ce lundi le président sortant Yahya Jammeh, qui conteste sa défaite à l'élection présidentielle, à recevoir une mission de chef d'État d'Afrique de l'Ouest attendue à Banjul ce mardi. Dorine Dayirorere. Au Gambie, le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte le président Yahya Jammeh à recevoir la délégation de haut niveau et à coopérer avec elle. Comme nous le lisons sur le site de la BBC, le Conseil s'est réuni en consultation à huis clos à la demande du Sénégal, à la suite de refus de M. Jammeh de reconnaître le résultat de l'élection remportée par Adama Barrow. La délégation sera amenée par le chef d'État libérien, Ellen Johnson, présidente en exercice de la CDAO. En Syrie, la deuxième ville Alep est en passe d'être reprise totalement par les forces du régime Bachar al-Assad et ses alliés après 4 semaines d'une offensive dévastatrice contre les rebelles. En perdant cette dernière position à Alep, la rébellion va essuyer son pire revers depuis le début de la guerre en mars 2011. Selon le site web de France 24, de l'ancien bastion d'Alep Est, contrôlé par les insurgés depuis 2012, ils ne tiennent plus que deux principaux quartiers, Soukari et Al-Mashad, en plus d'une poignée de petits secteurs. L'ONU s'inquiète d'atrocités commises contre les civils. Et aux États-Unis d'Amérique, les très influents républicains John McCain et Lindsey Graham, ennemis de Moscou, ainsi que le démocrate Chuck Schumer, numéro 1 du groupe, et Jack Reed, ont lancé ce week-end un appel retentissant à mener une grande enquête parlementaire pour établir comment et surtout pourquoi la Russie sera intervenue dans l'élection. Le président Barack Obama a lui-même demandé la semaine dernière aux différentes agences de renseignement de se pencher sur les attaques informatiques et d'éventuelles interventions étrangères et de lui adresser un rapport avant son départ de la Maison-Blanche le 20 janvier. À la source, reportage. Des chenilles ravagent les cultures de maïs et de haricots dans la commune de Boutihinda de la province Muyinga. Les agriculteurs éprouvent des difficultés d'approvisionnement en produits phytosanitaires achetés exclusivement au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. Roger Sendegeya appelle ses agriculteurs à s'en procurer par groupe. Le reportage du jour est signé Alain Désiré Oukayenez. Celui-ci est l'un des agriculteurs de la colline Tangara, en commune Butihinda de la province Muyinga. Les agriculteurs disent que les chenilles défoliantes et foreuses attaquent leur culture de maïs et de haricots il y a 2 semaines. Ce sont des chenilles défoliantes qui attaquent des tiges de culture de maïs et les chenilles foreuses qui ravagent les cultures de haricots. Jusqu'à présent, les agriculteurs ne peuvent pas récolter les légumes. À la DPAE, il y a des produits phytosanitaires, mais nous éprouvons des difficultés de les acheter puisqu'ils sont chers. Ce produit s'achète à 15 000 francs par litre à la DPAE. Les agriculteurs demandent que le prix soit revu à la baisse et que le stock de la DPAE soit décentralisé au niveau de la commune. C'est difficile pour nous d'acheter ces produits parce qu'ils sont à un prix élevé de 15 000 francs par litre. C'est également difficile pour nous d'arriver à la DPAE, raison pour laquelle nous demandons que ces produits soient rapatriés au niveau de la commune. Il faut aussi que le prix soit revu à la baisse. Les collines déjà concernées sont estimées à 10. Les collines Tangara, Kavumu, Buvumbi, Maranvia et Kamaramagambo sont les plus touchées. L'agronome communal de Butihinda dit que Drisiba et Dimetowak sont les deux produits phytosanitaires efficaces pour ces chenilles. Marte Barayavuga précise que leur pouvoir se limite à enseigner les agriculteurs qui les ont achetés à la DPAE. Ce sont les chenilles défoliantes qui ont attaqué la culture des haricots dans cette commune de Butihinda sur certaines collines. Ainsi que les chenilles foreuses sur la culture de maïs, le produit phytosanitaire appelé dimethoate est un peu éloigné par rapport à la commune, mais quand même il y en a à la DPAE. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage fait savoir qu'il n'y a pas encore de permission de vendre ce produit au niveau de la commune. S'agissant des prix estimés exorbitants par les agriculteurs, Roger Sendegeya leur propose de constituer des groupes pour pouvoir s'approvisionner ce produit facilement. L'administrateur de la commune Butihinda projette plaider à ce que ce produit soit revu à la baisse, si possible qu'il soit donné gratuitement, puisqu'il s'avère que c'est devenu comme une calamité. L'aide que nous pouvons leur donner, c'est de leur faire du plaidoyer auprès de la DPAE et du ministère de l'Agriculture pour que ces insecticides puissent être abordables par tous les agriculteurs. Là, je proposerai alors, si possible, de donner ce médicament gratuitement. Deuxième moyen, c'est de donner ce médicament à bas prix. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage fait savoir que la décision de vendre les produits phytosanitaires au niveau des communes proviendrait de la direction générale chargée de la protection des végétaux. Radio Isanganiro Chronique. Comme annoncé dans les titres, nous parlons de l'insuffisance rénale. Il est confirmé qu'un Lorrain ne parvient plus à assurer la filtration du sang et à extraire les déchets, comme l'indique le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana. Cette maladie qui attaque toutes les catégories de gens est causée généralement par la déshydratation, le diabète et l'hypertension et peut entraîner la mort des patients. Et c'est la chronique santé signée Francine Ndiokougaï. Le rein exerce un rôle de filtration du sang et d'élimination de certaines substances inutiles au fonctionnement de l'organisme. Lorsque les reins ne filtrent plus correctement le sang, on parle d'insuffisance rénale, comme l'indique le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana. Avant de parler de l'insuffisance rénale, il serait bien de parler de la suffisance rénale. La suffisance rénale qui se traduit par la fonction normale des reins. La fonction normale des reins, c'est la filtration du sang et l'excrétion de l'urine, laquelle urine transporte tous les déchets ou tous les éléments non nécessaires dans l'organisme. Donc, la situation dans laquelle le rein n'est plus apte à assurer la filtration du sang et l'excrétion des déchets est l'insuffisance rénale. Elle peut être aiguë ou chronique, et dans l'un ou l'autre cas, ça peut se terminer par une atteinte grave qui peut être fatale. L'on distingue deux sortes d'insuffisance rénale, soit elle est aiguë, soit chronique. Les causes diffèrent aussi selon les deux catégories. Pour l'insuffisance rénale aiguë, les causes, disons les plus courantes ici chez nous, sont la déshydratation qui est due soit à des diarrhées profuses ou bien à des vomissements, et surtout au paludisme grave. On peut avoir l'insuffisance rénale qui est souvent fatale d'ailleurs. Et pour l'insuffisance rénale chronique, c'est souvent le diabète et l'hypertension, et de plus en plus l'infection à VIH et le traitement antirétroviral qui, pour certaines molécules, sont toxiques pour les reins. Alors les reins vont être détériorés progressivement. La diminution de la quantité d'urine dans un patient est l'un des principaux symptômes de l'insuffisance rénale. Les symptômes de la maladie, parfois il n'y en a pas. Quand c'est une insuffisance rénale chronique, le patient peut avoir cette pathologie pendant plusieurs années. Elle va évoluer à bas bruit et on ne saura rien. Les symptômes seront vus qu'à la phase avancée de la maladie. Mais pour l'insuffisance rénale aiguë, le premier symptôme, c'est le fait qu'il n'y a plus d'urine, ou bien il y a peu d'urine. Donc les reins ne filtrent pas correctement et n'excrètent pas correctement. Donc on aura une oligurie, donc une diminution du volume des urines, ou bien même une anurie, donc une absence totale d'urine, qui va se traduire cliniquement par des œdèmes. Le patient va gonfler parce qu'il y aura une surcharge d'eau dans l'organisme. C'est le signe le plus fréquent. Et puis alors après, il y a des déchets toxiques qui auraient normalement dû être éliminés par les urines, qui vont s'accumuler dans l'organisme et qui vont l'intoxiquer. Et il peut arriver qu'on ait des situations de coma urémique dues à des toxines qui normalement devraient être éliminées par les urines, mais qui ne l'ont pas été parce que l'organisme était en insuffisance rénale. Et on aura un coma, entre autres signes de l'insuffisance rénale aiguë. Enfants, adultes et vieillards peuvent tous être touchés par cette maladie. Toute personne peut avoir une insuffisance rénale, de l'enfant au vieillard, en passant par le jeune, par la femme enceinte. Tout le monde peut avoir une insuffisance rénale. Mais c'est vrai que l'insuffisance rénale aiguë est plutôt vue chez les jeunes, ici chez nous, parce que ce sont eux qui sont plus à risque de paludisme, etc. Et l'insuffisance rénale chronique est vue chez les personnes un peu plus âgées qui ont des maladies métaboliques comme le diabète ou d'autres maladies comme l'hypertension qui dégradent progressivement la fonction rénale. Donc pour l'insuffisance rénale chronique, disons que comme c'est chronique, ça évolue dans le temps, ce sera beaucoup plus chez les personnes âgées. Et pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est toutes les catégories, mais avec une prédilection chez les jeunes ici chez nous. Lorsque les reins n'arrivent plus à jouer leur rôle, c'est le décès du patient qui s'ensuit souvent. Le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana nous parlera dans notre prochaine chronique de ses complications et du traitement de cette pathologie. Merci Francine, merci docteur Sylvain-Pierre. Ainsi se referme ce journal. Je vous rappelle que le conseiller principal en communication à la présidence de la République considère comme un non-événement la récusation par le CNARED de la médiation de Benjamin Mkapa depuis ses dernières déclarations à Bujumbura. Cette plateforme de l'opposition, essentiellement en exil, estime que ce dernier a nié le conflit burundais. De son côté, Willy Nyamitwe appelle le CNARED, rappelle que le CNARED n'est pas reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Et des plaques sur les vélos sont exigées depuis un certain temps. Ceux qui font le transport rémunéré sur les vélos se plaignent de travailler à perte à cause des dépenses que leur font faire les pouvoirs publics.